marre de squatter tous les sites de news sur World of Warcraft? Tous tes potes s'éclatent en instance pendant que toi tu t'ennuies à lire les news? Laisse tomber, Wotaku s'occupe de tout. Quand l'info est importante, Wotaku débarque dans tes oreilles avec ses news et fait un épisode spécialement pour toi. Désormais, pendant que tu joues à World of Warcraft, tiens-toi au courant des news avec Wotaku News. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Wotaku News. Je suis Ludo et avec moi il y a Circle. Salut tout le monde. Et on se lance tout de suite dans le sommaire de cet épisode. Pour commencer, on va parler du système de maîtrise, ensuite interview sur le site de Blizzard des guides Exorcius et Enigma, et le préchargement du patch 3.3.3. Alors Ludo, tu voulais nous parler, on a vu sur les forums depuis quelques temps là qu'il y a un peu un tollé sur la maîtrise. Donc c'est une annonce qui a été faite par les développeurs, comme quoi ils voulaient intégrer un système de maîtrise. Tu peux nous en dire plus ? Et ouais, c'est la grosse annonce qui est sortie hier. Alors le système de maîtrise, qu'est-ce que c'est ? C'est en quelque sorte une refonte des arbres de talents qui permettra aux joueurs de choisir des talents qui correspondent à sa façon de jouer et non choisir des talents parce qu'il faut les prendre. Alors par exemple, on peut citer là-dedans des talents qui font plus de dégâts, plus de soins ou des talents qui permettent de mieux tanker par exemple. Donc en gros, c'est pour limiter les arbres de talent dits obligatoires ou ceux qu'on retrouve dans pratiquement toutes les spécialisations. Ok, tu penses que ça aurait une incidence avec les voix des titans par exemple ? C'est une très bonne question. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir répondre clairement là-dessus. Étant donné que là, toutes les informations dont je vais vous parler sur le système de maîtrise, ce sont des informations... C'est une première pièce du puzzle, en fait, comme ils appellent ça chez Blizzard. D'autres informations suivront par la suite et nous permettront de mieux comprendre, en fait, toute l'étendue, justement, de ces nouvelles fonctionnalités. Alors, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est qu'avec ce système de maîtrise, le développeur, il vise trois objectifs. Le premier, c'est donner plus de liberté aux joueurs pour dépenser leurs points de talent. Le deuxième, c'est pour simplifier certains talents. Certains talents actuellement sont un peu trop diversifiés dans le sens où ça va améliorer en même temps les soins puis réduire le temps de recharge de certaines sorts. Donc là justement c'est bien séparer chaque point de talent. Et le troisième objectif c'est d'ajouter une nouvelle caractéristique pour l'équipement de haut niveau, donc qu'on appellera plus tard la maîtrise. Et concrètement, comment ça marche ce système ? Et oui Circle, parce que non, c'est pas sorcier. C'est nul. Donc pour chaque point dépensé dans une spécialisation, donc dans un arbre en particulier, on recevra 3 bonus passifs liés à la spécialisation. Par exemple, on va prendre l'exemple, vous êtes un prêtre, admettons, sacré. Vous allez recevoir 3 bonus. Le premier bonus, ça augmentera les soins que vous ferez. Le deuxième bonus, ce sera une statistique qui dépendra également de la spécialisation. Donc par exemple, pour les prêtres sacrés, ce qui est bien, c'est le critique. Et par exemple, l'AT également. Donc ça, c'est juste l'exemple prêtre sacré. Si, admettons, on prendrait une classe, par exemple, de DPS, admettons, je sais pas, le voleur, bah, ça pourrait augmenter, par exemple, sa AT également. Ouais, c'est critique. Ouais, bon, c'est pas un bon exemple, mais dans l'idée, c'est ça, en fait. C'est augmenter passivement des compétences qu'on prend de façon obligatoire maintenant. Voilà, ce sera ciblé par rapport à notre style de jeu, quoi. Voilà. Enfin, plutôt par rapport à la spécialisation. Ouais, d'accord. Et le troisième bonus, lui, l'accordera une amélioration unique liée à l'arbre de talent. Donc en gros, il y a actuellement 30 arbres de talent différents, donc il y aura 30 améliorations uniques, une pour chaque combinaison, classe, spécialisation. Donc en gros, ce troisième bonus, il sera influencé par une nouvelle stat qui s'appellera la maîtrise, qu'on trouvera sur l'équipement de niveau 80 à 85, et plus on aura de maîtrise, plus ce troisième bonus sera important. Donc justement, ce bonus-là, Blizzard nous a donné des informations avec 3 exemples. Par exemple, pour un prêtre sacré, le troisième bonus, ça pourrait être ce qu'on appelle la radiance. La radiance, en fait, ça ajouterait un genre de soin sur la durée chaque fois qu'on fera un soin direct. Donc par exemple, je sais pas, on fait un soin rapide. Une fois qu'on a fait le soin rapide, on obtiendra, je sais pas, mettons 200 points de soins répartis sur un soin sur la durée. Si on est par exemple près de discipline, ça augmentera l'absorption des boucliers, mots de pouvoir bouclier et égide divine. Si par exemple on est chevet de la mort spécialisé en givre, ce sera la puissance runique. Ça améliorera en fait la quantité de puissance runique générée par vos différentes techniques. Comme je vous l'ai dit en intro, donc les développeurs ils souhaitent donner plus de liberté dans les choix que les joueurs vont faire au niveau des armes de talent et plus prendre un talent parce qu'il faut prendre plus 5% de sort pour être justement plus efficace dans son rôle. Et donc là-dedans, ils nous donnent également une petite info sur des exemples de talents. On prend l'exemple du mage, le mage spé givre. Il a un talent qui s'appelle Éclair de givre amélioré. Donc ça réduit le temps d'incantation du sort éclair de givre, je crois, de quelques secondes, de 1 ou 2 secondes. Ce type de talent, ça va rester, parce qu'en fait, ça va d'une part modifier votre façon de jouer, donc ça veut dire ça va lancer les sorts un peu plus rapidement, et ça va également faire plus de dégâts. Par contre, les sorts tels que glace perçante, qui font augmenter les dégâts que de 6%, se seront retirés, donc ces talents n'existeront plus, puisqu'ils seront déjà passivement dans votre arbre. Donc par exemple, je sais pas, quand vous dépensez un point de talent en glace, ben vous gagnerez plus, par exemple, 0,1% de dégâts de glace supplémentaires, de façon passive. Bah, ça me semble assez clair sur le fait que, bon, pour les classes qui sont uniquement vouées par exemple au DPS, comme tu viens de citer le mage, ce sera, bah, si on veut, par exemple à l'heure actuelle, il y a des spécialisations justement qui sont quasiment obligatoires en raid, puisque c'est l'aspect qui DPS le plus ou quoi. Et c'est vrai que je vois, par exemple, bon, là tu donnes le mage, mais pour d'autres classes, on préfère par exemple une telle spécialisation, on aime la jouer, mais on peut pas la jouer puisque. Bah ça, elle n'est pas assez puissante et c'est vrai que bah ça donnera un bonus à la classe qu'on aime jouer, à la spécialisation qu'on aime jouer. Moi je vois ça bien justement parce que c'est ce qui me dérangeait un petit peu. Je donne un exemple par exemple bah, de la spécialisation bête pour les chasseurs qui à l'heure actuelle n'est viable que si vraiment on a un bon stuff et en raid ouais je dirais qu'il y a vraiment un très petit pourcentage de joueurs qui joue cette spé, bah par exemple là on pourra si on veut tout mettre dans cette classe par rapport aux améliorations de talent, elle deviendra viable par exemple. Donc ça c'est vrai que c'est bien. Je pense par contre bah, ce que je me pose comme question c'est comment obtenir ces améliorations. Est-ce que ça va être un petit peu long et chiant parce que si on veut faire une respécialisation ou quoi il faut refaire. Par exemple, si on veut changer de spécialisation, un mage glace qui veut devenir un mage feu, doit refaire tout le cursus pour avoir ses améliorations de talent dans les talents feu. Je ne sais pas ça, je ne sais pas si ça va être long ou pas. En fait, c'est très simple. Ces bonus passifs, en fait, ils augmentent au fur et à mesure que tu mets des points dans ton arbre de talent. D'accord. Donc, par exemple, si tu mets un point, t'as 0,1% de dégâts de feu en plus. Si on prend l'exemple du mage spécialisé en feu, si tu mets 50 points, mettons, dans ton arbre de talent feu, ben, tu auras plus 5% de dégâts au feu en Ah passif. d'accord, donc c'est instantané quoi. Voilà, exactement. C'est le simple fait de rajouter des points dans cet arbre de talent qui augmente tes bonus. Et donc, à chaque fois, tu auras 3 bonus passifs par arbre de talent. Bon ouais bon là par contre ça me fait un peu plus peur par rapport à si une spé est déjà ce qu'on appelle uber, qu'elle soit encore plus uber si ben, on peut en plus améliorer certains talents de cette spécialisation. J'espère qu'ils pourront entre guillemets faire la balance entre certaines spécialisations, surtout qu'il y en a qui à l'heure actuelle pour certaines classes sont un petit peu on va dire cheatées. Mais bon, ça on verra bien à Cataclysme vu qu'il y aura pas mal de refontes, pas mal de changements avec les voix des titans, tout ça. Ouais, puis d'après les développeurs, ce système-là, ça leur permet justement de mieux maîtriser en fait les dégâts que peut faire une classe ou la puissance d'une classe ou d'une spécialisation plus particulièrement, et justement de faire des modifications plus faciles et plus efficaces pour réduire ou augmenter si une spécialisation est en dessous en fait des autres. Je pense que c'est bien aussi par rapport à l'équipement, par rapport au bonus d'équipement, comme il disait, parce que ça évitera de voir justement des classes qui font une spécialisation. Admettons, je peux donner un exemple, un paladin qui fait une spécialisation tank sacré, par exemple, enfin protec sacré, et qui met un équipement DPS. Parce que en fait, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui font ça pour pouvoir et être résistant et se soigner et en plus faire mal. Là, ils seront obligés, entre guillemets, d'avoir le stuff qui va avec la spécialisation. Donc ça, c'est peut-être bien. Je pense que c'est aussi Ouais. une des raisons principales pour laquelle ils font ça. C'est que les gens, s'ils veulent prendre une spécialisation, ils doivent prendre bah, tout qui va avec et c'est pas mal. Oui, de plus, en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que si tu as une spécialisation et l'équipement qui va pas forcément en rapport avec, tu n'auras pas forcément les bonus au maximum. Ou tu ne pourras pas tirer pleinement puissance de ton arbre de talent à cause de ton équipement. Voilà, ouais, ça c'est bien. C'est bien parce que ça, voilà, ça évite justement les cette espèce de ouais, un petit peu une aberration pour moi, quoi. Je veux dire, si on prend une classe, une spécialisation, on prend l'équipement qui va avec. Ouais, tout à fait. Alors, si il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris là-dedans ou des points qui restent encore assez flous, là encore, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'un point sur le système de maîtrise, c'est qu'il y a d'autres informations qui vont arriver au fur et à mesure que Cataclysme approche. Donc, on aura d'autres informations sur le système de maîtrise et d'après les développeurs, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on comprendra réellement tout l'intérêt de ce nouveau système, ce nouveau mécanisme, une fois qu'on aura l'intégralité des informations liées à la maîtrise. Donc là, c'est qu'une partie des infos. D'autres infos sont à suivre. D'accord. Puis bien sûr, quand on aura d'autres infos, on sera sur le Et coup. d'ailleurs, j'ai cru voir que sur les forums, justement, ça parlait beaucoup. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal de spéculations qui peuvent être vraies ou fausses. Mais si vous voulez plus vous informer, faut aller là-bas dessus. Et vu que, bizarre, les donne au compte-gouttes, je pense qu'à mon avis, lors des prochaines discussions Twitter avec les développeurs, il y aura beaucoup de questions qui seront posées sur la maîtrise. Ouais, et c'est pour ça aussi qu'ils ont dit ça, c'était pour justement pour rassurer les personnes les plus inquiètes par rapport à ce nouveau système. Ok. Ensuite, on va passer à une news communautaire, en fait, par rapport aux 5 ans de World of Warcraft et aux 15 ans de Warcraft sur leur mini-site. Blizzard a interviewé deux guildes, qui sont des guildes assez importantes. Pas forcément les meilleures guildes, mais des très bonnes guildes. La première, c'est Exorcius, qui est actuellement la troisième meilleure guilde du monde, et la meilleure guilde russe et la précédente meilleure guilde européenne. Ils ont rencontré Vikch, son chef, pour parler de la création de la guilde et ce qui la rend différente des autres guildes et comment diriger une équipe pour la rendre efficace. Alors, moi, ce que j'ai aimé, ce que vous lirez dans cette interview, c'est que cette guilde s'est vraiment formée tard, on va dire, et a été à la base une bande de copains. De copains, de bons joueurs, bien entendu, parce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là sans être des bons joueurs. Mais ils sont arrivés tout ça et on comprend au fil de l'interview que c'est vraiment parce qu'ils se sont dit pourquoi pas tenter. C'est vrai que l'accès est un peu facilité actuellement, mais bon, pour être dans les meilleurs, il faut être les meilleurs. Et ce qui prouve qu'il faut pas forcément être une usine à gaz pour se hisser en haut du tableau. Donc, je vous invite à aller lire ces news qui sont sur le site, cette interview, cet entretien plutôt, qui sont sur le mini-site de One Anniversary. Et je pense que ça peut pas mal même donner des espèces de conseils à certaines guildes qui veulent avancer dans le PvEHL. C'est quand même hallucinant parce que les Russes, c'est pratiquement les derniers à avoir rejoint World of Warcraft. Et voir une guilde russe troisième mondiale, c'est Ah waouh! bah oui, bah il y avait l'exemple récemment des Coréens par exemple et des Taïwanais qui sont aussi arrivés très tard puisque eux, surtout les Taïwanais ont eu Wrath of the Lich King l'extension plus tard, de voir qu'ils ont participé pas mal à plusieurs pas first down mais dans les premiers à tomber des gros boss et aussi au niveau des hard mode et des hauts faits. Ils ont été dans les meilleurs et ça montre que c'est pas forcément que les Anglais, les Européens et les Américains qui sont les meilleurs quoi. Il y a d'ailleurs de très bonnes guildes allemandes aussi, je tiens à le noter parce que ce soit au niveau PVP, ça fait bobo quand on tombe dessus. Ouais, d'ailleurs, on le voit au niveau russe que des serveurs PVP, hein, pratiquement. Ouais. Et il y a deuxième interview qui est une autre guilde qui s'appelle la guilde Enigma. Alors eux, c'est vraiment une guilde de haut niveau, on va dire plutôt classique, qui dure depuis un moment, qui sont basés sur le royaume Deathwing, qui dispose d'un effectif voué à relever les plus grands défis que World of Warcraft peut proposer dans chaque nouveau donjon. Donc c'est vraiment eux, ils ont créé cette guilde pour ça à la base. Hein. C'est une guilde américaine, très bien classée, qui a accompli de nombreux hauts faits, genre Proms du Royaume, les Conquérants d'Ulduar, on nous observe en mode 25 joueurs, dans la ligne noire 25 joueurs. Donc ça peut parler à certaines personnes. C'est des hauts faits qui sont très durs à réaliser, même à l'heure actuelle. Ils ont récemment nettoyé les salles de l'aile de givre dans la version 10 et 25 de la citadelle de la couronne de glace dans les 48 heures qui ont suivi leur ouverture. Donc c'était comme un peu les Insidia, des guildes qui sont allés très très rapidement au bout du contenu. Bon, maintenant il y a le mode 25, hein, mais on voit que beaucoup de guildes avancent aussi très vite. Et comme de nombreuses autres guildes, Enigma est composée d'un effectif varié de joueurs des quatre coins des États-Unis, mais elle est surtout dirigée par un chef de guilde de 19 ans. Incroyablement doué et mature, qui dispose d'une grande connaissance des mécaniques de jeu complexes de World of Warcraft. Donc ça, j'ai pu voir dans d'autres guildes qu'il y a des gars. C'est pas forcément l'âge qui fait tout, et c'est vrai qu'il Oh y a non. des têtes. Hein. Et donc ils se sont entretenus avec cette personne-là, Et c'est très intéressant aussi de voir comment la gestion d'une guilde pareille peut ben, tomber entre les mains d'un gars qui est à peine majeur, par exemple, ou aux États-Unis qui n'est pas encore majeur, et qui pourtant arrive à gérer ça comme une entreprise, on va dire. Parce que d'ailleurs, je fais un petit aparté là-dessus, j'avais entendu dire que un ancien chef de guilde, en fait, d'une grosse guilde, avait dans ses effectifs de joueurs un gars qui était donc chef d'entreprise d'une grosse entreprise en Amérique et qui s'est rendu compte que le boulot de chef de guilde dans des grandes guildes est tellement complexe et important et requiert de tellement grandes capacités de gestion que ce gars-là a engagé son chef de guilde IRL dans son entreprise, comme manager, je ne sais pas. Donc, ça prouve quand même qu'il faut quand même avoir des compétences pour être maître de guilde, au niveau du PVE VHL. Oh oui, ça je ne peux qu'approuver là-dessus. Ouais. Enfin, pour moi, avoir fait un peu maître de guilde aussi, c'est vraiment hallucinant ce qu'il faut gérer. C'est vraiment, tu te crois en entreprise parfois. Ah oui, et même nous, là, on a une guilde qui est pépère, en fait. On est vraiment très libre. C'est plutôt un regroupement plutôt qu'une guilde. Même là, on reçoit des whisps tout le temps. On est tout le temps sollicité pour régler ce soit les problèmes ou répondre aux questions. C'est vrai que ça peut être gratifiant d'un côté pour certains, mais je pense que c'est plutôt fatigant et ça relève presque d'un petit boulot dans le jeu, quoi. Donc voilà, pour moi c'était tout pour les news principales. Je voulais plutôt parler de la communauté. Je pense qu'on y reviendra lors des prochains. Il y a pas mal de contenu au niveau communautaire et on y reviendra certainement soit pendant l'épisode principal, soit pendant les prochaines news. Bon, après, pendant les petites news en vrac, sachez que depuis hier, vous pouvez télécharger le pré-patch 3.3.3. Donc actuellement, celui-ci fait 81 mégas, je crois, si je ne me plante pas. Ou dans les 80 mégas, quoi. Donc normalement, pour certains, vous l'avez déjà téléchargé en tâche de fond pendant que vous jouez. Pour d'autres, si vous ne l'avez pas lancé, ben, pensez à le lancer. Ça permettra d'avoir un patch un peu plus léger à télécharger le jour du lancement. Donc sachez que ça ne veut pas dire que le patch il va sortir un mercredi prochain, mais simplement de préparer justement la sortie de ce patch. Ouais, je pense pas mercredi prochain, je pense d'ici 2 semaines, à mon avis, au grand minimum, parce que j'ai vu 2-3 changements, le patch s'annonçait comme mineur et est en train de se transformer en un bon gros patch, une bonne grosse mise à jour. Hein. Donc, à voir. De toute façon, on vous tiendra au courant. De toute façon, les patch notes qui seront mises à jour au courant de ce qu'on reçoit. Ouais, et on fera un épisode spécial pour le 3.3.3, un Wataku News, un peu avant qu'il sorte. Voilà. Je pense qu'on va tout faire pour qu'il soit disponible l'épisode pendant la maintenance, comme ça vous aurez de quoi vous divertir. De quoi vous nourrir en attendant. Allez, en cage. Et Circle, qu'est-ce qu'on a du côté du Twitter WarcraftFR? Alors, Twitter WarcraftFR, le sondage de la semaine qui est autant pour le Twitter de Warcraft_FR que Warcraft normal, c'est quelle est votre instance pré-BC et préférée. Donc, vous pouvez donc taguer le dièse WoW et WoW débat ou sondage et répondre ben, quelle est votre instance préférée. Personnellement, moi, ben, j'ai mis en tête de fiche BWL puis Naxxramas. Et toi, Ludo, est-ce que toi, t'avais fait FreeBC? Ouais, j'ai fait au niveau instance de raid on parle. Oui. Oh, je pense qu'il parle de ça, ouais. Instance de raid, je dirais. Enfin, moi j'en ai fait que deux, j'ai fait que MC, enfin Molten Core et Zul'Gurub, donc j'aurais tendance à dire Zul'Gurub, parce que j'ai pas mal de souvenirs là-bas. Quoique Molten Core aussi. Enfin, je suis un peu partagé entre les deux. Mais Ouais. ouais, les Ah, deux, moi, je dirais. ma réponse a été simple au niveau de Molten Core, c'est surtout pour Ragnaros. C'est vrai que quand on arrivait, c'était le premier boss énorme, le gros boss assez, enfin géant quoi, qui faisait peur, qui était impressionnant. Moi, j'ai C'était jamais vu ça par contre. surtout. J'ai jamais vu celui-là. Donc voilà, bon, on vous invite à aller répondre et vous pouvez aussi poster sur le forum. On a toujours d'ailleurs un topic à ce sujet. En ce moment, on est topic pour tout, de toute façon, sur le forum. Ouais, c'est vrai. Quoi que vous cherchez, vous pouvez venir chez nous. Il y a même dans le hors-sujet, il y a de tout, hein. Tout et n'importe quoi. Oui. Il y a pas mal d'ailleurs sur le forum de posts très intéressants. J'ai relevé un post qui a été fait par Preshan qui s'intitule Vos histoires de PVP sauvage. Je trouve c'est cool de raconter ça. Je pense que je vais mettre une petite note perso aussi quand j'aurai le temps parce que je fais que ça. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Il y a un débat qui est assez animé, qui est pas mal, qui a été démarré par Arnoker qui s'appelle Torwata Future Instance. Donc là, je vous laisse aller voir, c'est sous la rubrique World of Warcraft et pas mal d'autres topics. On a énormément de topics, ça pose beaucoup, donc ben, profitez bien. Bon, et pour conclure, donc une news officielle là aussi venant de Blizzard qui concerne tout particulièrement le podcast Wotaku dans ce que vous êtes en train d'écouter. Donc là, vous sentez d'un coup que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles quand je Ouais, parle. non, ça s'entend, mais ça s'entend en direct, quoi. Voilà, donc en fait, c'est on a reçu un beau matin comme ça d'hiver, on s'y attendait pas du tout. On regarde notre boîte aux lettres et d'un coup, on voit un mail de Tiven, programme de fin de site. Qui que quoi donc est-ce que Et voilà, nous avons appris que nous sommes rentrés officiellement dans le programme de fin de site de Blizzard. Donc là, on a exulté de joie. Ouais, c'est vrai qu'on était un peu comme des fous. Je dirais pas ce que Ludo a marqué sur les discussions privées du forum entre animateurs, mais c'était assez épique, on va dire. Hein? C'était même RP, on va dire. Mais on va pas trop en causer maintenant, en fait, parce que ça reste un Wotaku News. Je pense qu'on fera, on vous en parlera dans l'épisode qui sortira prochainement. On arrive à la fin donc de cet épisode d'enregistrement de cet épisode 11. On va passer au montage, donc ça devrait pas trop tarder. Et bah sinon, pas grand-chose d'autre, hein. Je pense qu'on vous invite simplement donc à aller sur notre forum, parcourir. Il y a pas mal de bons sujets. On vous invite à suivre nos Twitter qui sont indiqués à chaque fois sur le site, à vous inscrire sur la page Facebook. Ça nous fait plaisir de vous voir sur la page Facebook puisqu'on diffuse aussi des news de temps en temps. De suivre le Twitter de Warcraft FR. Et de rester à l'écoute de Wotaku. Voilà, et de vous amuser en Azeroth. Allez, bah on se retrouve pour les prochaines news ou pour le prochain épisode. Allez, ciao! Ciao tout le monde!